suis Sophie Golini, je suis directrice de recherche au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Bonjour, je m'appelle Éric Vivier, je suis professeur des universités, praticien hospitalier et directeur du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Et nous allons vous parler des cellules natural killer et de ce qu'on fait au laboratoire pour essayer de mieux les comprendre. Donc on est au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui est un institut de recherche qui emploie plus de 250 personnes, avec 17 groupes de recherche. Donc moi, j'ai un parcours purement scientifique. Enfin, quand même au départ, j'ai commencé par faire une école d'infirmière, juste après mon bac, qui m'a permis en particulier d'acquérir un diplôme pour ensuite économiquement subvenir à mes besoins et poursuivre mes études. J'ai pu avoir une équivalence pour rentrer en deuxième année de fac, et je travaillais le week-end et les vacances. Je me suis orientée vers la biologie. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le domaine où il y a encore le plus de choses à découvrir et de portes à ouvrir. Parce qu'en fait, finalement, malgré toutes les recherches qui peuvent être faites et toutes les découvertes qui sont faites à l'heure actuelle, je pense qu'on est quand même très très loin de comprendre comment un organisme fonctionne à l'échelle globale. Ça fait partie des frontières à dépasser. Peut-être dans un premier temps essayer de vous raconter quel a été mon parcours pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, peut-être commencer par la fin. Donc moi je fais de la recherche fondamentale en immunologie. On essaye dans l'équipe, hein, c'est évidemment une activité d'équipe. On essaye de comprendre le fonctionnement d'un type particulier de lymphocytes, qui sont donc des cellules de l'immunité, et qui ont la particularité de pouvoir en tuer d'autres. C'est ça vraiment leur particularité. Alors ensuite, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas les seules à faire ça, mais c'est comme ça qu'elles ont été identifiées au départ. Et en particulier, elles ont une capacité assez étonnante de pouvoir reconnaître des cellules tumorales spécifiquement, ou des cellules infectées par des virus, ou des cellules qui ont subi des stress de manière générale, et celles-là donc de les tuer, et puis d'épargner les autres cellules. Et tout ce que je fais aujourd'hui, du point de vue scientifique, c'est essayer de comprendre comment elles font pour faire ça. Alors, je suis arrivé à faire ça de manière extrêmement détournée en réalité, puisque moi j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, je suis vétérinaire de formation de Maison Alfort, donc c'est quand même très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte en arrivant à l'école vétérinaire que ce qui m'avait vraiment plu, c'était la classe préparatoire, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et surtout, le fait de comprendre l'évolution des mécanismes biologiques et les pressions de sélection et comment ça se met en place. Et donc un tout petit peu déçu de par l'orientation de praticien qui est donnée dans cette école, qui est une école professionnelle, j'ai voulu me rapprocher des instituts de recherche français. Je cherchais du boulot pour gagner de l'argent pendant l'été, comme un étudiant, et je suis allé rencontrer le directeur du personnel de l'INSERM qui m'a vu arriver comme un ovni. Et je lui ai dit bah voilà, moi j'aimerais gagner de l'argent. J'étais coursier à Paris à l'époque pour faire de l'argent. Et j'ai dit je préférais faire de la recherche. Et j'ai eu la chance de tomber sur un laboratoire dont il m'a donné les coordonnées, qui m'a accueilli évidemment, pas pour faire de l'argent. Hein, bon. Et donc j'ai été accueilli dans ce laboratoire qui a été le laboratoire de Jacques Benveniste, très connu puisque c'est celui qui premièrement a fait une découverte fondamentale qui est celle du platelet activating factor, un agent majeur de l'inflammation, et qui à la fin de sa carrière a été très connu parce que c'est lui qui a proposé la théorie de la mémoire de l'eau, dont vous avez certainement entendu parler. Donc c'était un mentor exceptionnel puisqu'il transmettait vraiment sa passion pour la recherche, l'idée d'essayer de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, et avec un dynamisme, avec vraiment un enthousiasme totalement contagieux. Donc moi j'ai pas du tout travaillé sur la mémoire de l'eau, mais j'ai travaillé sur le reste de ce qu'il faisait lui, donc c'est-à-dire les mécanismes de l'inflammation. Et grâce à cette exposition que je faisais en parallèle à l'école vétérinaire, j'ai pu proposer ma candidature à un poste de post-doctorant à Harvard sur ma thèse vétérinaire. Et là, ça a été le début de tout, parce que Harvard, c'est juste le temple. Quelque chose qui est incroyable à Harvard, c'est que votre voisin, s'il n'est pas déjà prix Nobel, il peut éventuellement l'être. et pratiquement dans toutes les disciplines, dans toutes les questions que vous vous posez, quoi. Donc, vous arrivez débarqué de Maison Alfort là-dedans, c'est juste extraordinaire, quoi. Vous avez une impression de richesse, d'enthousiasme, de soif d'apprendre, qui est juste passionnant. Et donc là, quand je suis arrivé, je suis tombé par hasard dans le couloir sur le patron du labo, qui avait un labo pharaonique de 120 personnes. Et donc je me présente, il se rappelait un petit peu de moi éventuellement, on a vu quelques contacts évidemment, hein. Et il m'a dit, mais vous avez travaillé sur quoi vous? Et moi je lui dis quand même ce sur quoi j'avais vraiment bossé pendant 6 mois, et j'espérais vraiment qu'il s'en rappelait. En fait, manifestement pas. Et en fait, c'est là le hasard, il était dans le couloir avec quelqu'un qui travaillait sur les cellules Natural Killer. Un de ses élèves. Il m'a dit, oui, bon, ok, vous pourriez travailler sur ça, effectivement, mais en fait, pourquoi vous ne travaillerez pas avec ce monsieur qui travaille sur les cellules Natural Killer? Et ça, c'était donc le 1er octobre 1989, et on est maintenant en décembre 2012, et je continue à travailler sur les cellules Natural Killer. Donc, sur le choix du travail, ou du sujet, je reste un peu perplexe, quand même, sur qu'est-ce qui m'a poussé à travailler sur ces cellules. Quoi qu'il en soit, je me suis pris au jeu et je pense que ces cellules sont intéressantes. Et au cours de toutes ces années, ensuite, une fois rentré en France, je suis rentré au centre d'immunologie de Marseille-Lumigny, où on est, et on a créé un laboratoire sur cette thématique. Et en fait, on s'aperçoit que la connaissance de ces cellules, elle est intéressante. Elle est intéressante, premièrement, parce qu'elle donne des idées sur la manière dont fonctionne le système immunitaire de manière générale. Il y a certains des aspects qui sont spécifiques aux cellules Natural Killer, mais ne serait-ce que par comparaison par rapport à d'autres fonctionnements ou le fonctionnement d'autres cellules, bah c'est intéressant. Ça donne vraiment une idée beaucoup plus large des stratégies de reconnaissance. Nous, notre laboratoire, c'est vraiment un laboratoire de la reconnaissance. La question fondamentale, c'est comment, encore une fois, une cellule qui se trouve être Natural Killer fait pour distinguer le bon grain de l'ivraie. En gros, c'est ça. Hein. Pour reconnaître spécifiquement une cellule stressée d'une cellule qui, elle, l'est pas. Et donc, comment on peut être tolérant, hein, pour reprendre des termes classiques dans l'immunologie, comment on peut être tolérant au soi tout en étant intolérant à des cellules stressées. Et donc, finalement, ça s'est avéré être un bon choix de par ça. Ça s'est aussi avéré être un bon choix, me semble-t-il, parce que très rapidement, lors de la création de ce laboratoire, on a mis le doigt sur un mécanisme moléculaire qui permettait de comprendre justement comment la cellule faisait pour quelquefois être inhibée et donc épargner la cellule d'en face, ou quelquefois justement de ne pas être inhibée et avoir plus de propension à tuer la cellule d'en face. Et la connaissance de ce mécanisme nous a poussé extrêmement rapidement à imaginer des médicaments. Mais au départ, de manière extrêmement naïve, parce que, encore une fois, toute cette démarche n'était pas au départ entreprise pour générer des médicaments. Mais simplement parce qu'on était curieux de savoir comment ces cellules fonctionnaient. Et finalement, ça nous a poussé à créer, avec un petit groupe de collègues et amis, une société de biotechnologie qui s'appelle Inet Pharma, qui emploie maintenant près de 90 personnes, et qui développe des médicaments qui sont directement la conséquence de ce qu'on a eu le privilège de pouvoir mettre en évidence. Donc ça a été aussi intéressant pour ça. Et puis finalement, quand je regarde un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis l'école vétérinaire, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas simplement ce qu'on fait dans la recherche fondamentale, ni même dans ses applications pratiques, mais c'est la cohérence de tout un parcours, parce qu'on pourrait rajouter aussi l'enseignement, et maintenant l'administration de la recherche, et je pense que tout ça est juste passionnant, et je pense que c'est juste une grande chance, en fait, de faire le métier qu'on fait. C'est un privilège. Les cellules NK ont été identifiées il y a à peu près 35 ans. La paternité des découvertes est quelque chose de... est un terrain glissant et toujours difficile à examiner avec acuité. On n'est jamais vraiment sûr de qui la première fois. Bon, c'est jamais qu'une personne, c'est toujours un groupe. C'est... Bon. Mais disons, voilà, entre 35 et 40 ans, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait une population de cellules qui, de manière naturelle, d'où le nom, et sans qu'on ait touché à l'animal du départ, que ce soit une souris, un chien, ou même l'homme, et bien que ces cellules, quand on les mettait pendant un temps extrêmement court, hein, c'est juste quelques heures, au départ c'est 4 heures, en relation avec des cellules tumorales, pouvaient tuer ces cellules tumorales. Et la beauté de cette expérience, c'était que la souris, le chien, l'homme, dont on avait extrait les cellules avaient jamais vu la cellule tumorale au départ eux-mêmes. Sinon, ça aurait été juste classique. Les cellules T font ça, on le sait depuis des décennies. Mais non, ça pouvait pas être ça, parce qu'il n'y avait pas eu de présensibilisation. Okay, c'est-à-dire que l'animal, la souris, le chien ou l'homme, était naïf par rapport à la cellule tumorale. Et donc là, si on fait la manip aujourd'hui, ça a marché à travers votre sang, à travers notre sang. Si on prend des cellules de notre sang, on les met en face d'une cellule tumorale, heureusement, ces cellules du sang n'ont jamais vu cette cellule tumorale, eh bien, elles vont la tuer quand même, elles ne l'ont jamais vue. Et donc, ça, c'était le début de cette énigme. Et comme l'immunologie des années 80, là, c'était vraiment dans les années 80, a été vraiment focalisée sur les cellules T, les cellules B, de par la beauté des mécanismes génétiques qui sont à l'origine de la génération des récepteurs de l'antigène, eh bien, en fait, ces cellules ont été nommées comme étant non-T-non-B. Et c'est vraiment un drôle de baptême, hein. La dénomination est très, très importante, comme vous le savez. Donc, d'être nommé par double négation, c'est quand même un très mauvais baptême, me semble-t-il. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et d'ailleurs, les gens considéraient que c'est du bruit de fond. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont isolé ces cellules et qui se sont dit, ben voilà, elles existent en fait, c'est un lignage différent des T et des B. Pour autant, ce sont des lymphocytes. Et c'est pas du bruit de fond du tout, c'est une activité réelle. Et donc ça, c'était une activité de cellules natural killer, naturellement cytotoxiques, contre des cellules tumorales. Ensuite, assez rapidement, il y a des groupes aux États-Unis qui se sont rendus compte qu'elles étaient importantes dans le contrôle des infections virales à l'intérieur d'un modèle de souris. Et ensuite, de manière là, absolument intéressante du point de vue épistémologique, il y a un papier qui, je pense, est faux, mais qui a véritablement fait exploser le fil de DNK. Il a été reporté dans New England Journal of Medicine en 1989 qu'une adolescente qui présentait un défaut en CENK avait des infections herpès récidivantes. Et les infections herpès, c'est pas simplement l'herpès simplex, hein. Ça peut être la varicelle, le zona. Généralement, on fait qu'une varicelle, on en fait pas 250. Bon. Là, c'est des infections graves, varicelle disséminée, récidivante. Et donc, New England Journal of Medicine, avec un éditorial, en plus, sur un cas, en disant, ben voilà, démonstration que les CENK sont importantes dans le contrôle des infections virales chez l'homme. Et ça a été le début, quand même, d'un engouement pour ces cellules. Et puis ensuite, assez rapidement, ces cellules ont été montrées comme partageant des molécules qui étaient associées au récepteur T des lymphocytes. Donc là, c'était le Graal. Parce que, comme les lymphocytes sont super importants, le récepteur T étant le plus important des récepteurs des lymphocytes, diront certains, le seul fait qu'une molécule associée au récepteur T pouvait être exprimée dans les cellules NK, alors là, la boucle était bouclée, donc antitumorale, antivirale. Elles ont aussi l'apanage de ces cellules extraordinaires qui sont les lymphocytes T. Elle devait être intéressante. Et ensuite, certains collègues, en particulier en Italie, alors là, c'est 10 années plus tard, ont montré qu'on pouvait les moduler. En fait, en modulant leur activité de reconnaissance, on pouvait avoir une efficacité thérapeutique à long terme chez l'homme pour lutter contre certaines leucémies. Et donc, voilà. Donc, ça a été vraiment la lancée, quoi. Entre-temps, quand même, il s'est passé la découverte des récepteurs inhibiteurs. C'est-à-dire des récepteurs qui freinent les CENK, et ça, c'était un plus conceptuel. C'était un plus pour comprendre les CENK, bien évidemment, mais c'était un plus conceptuel, parce que la seule idée qu'il y avait des récepteurs inhibiteurs, en fait, n'était pas si évidente que ça. Donc voilà, donc c'est en raccourci une espèce d'histoire de la CENK. Sinon, morphologiquement, donc, ce sont de grands lymphocytes qui sont pleins de granules, granules qui eux-mêmes contiennent des molécules de mort. Et comme ce sont des granules intracytoplasmiques entourés de membranes, on comprend comme ça comment ces molécules de mort ne sont pas toxiques vis-à-vis de la CENK par elle-même. Et donc la CENK rencontre une cible, elle explose. Elle n'explose pas au point de mourir elle-même, mais ça fait comme des bouchons de champagne, hein, et tous ces granules là qui libèrent leur contenu dans l'espace synaptique qui se crée entre la CENK et sa cible. Enfin, on parle d'espace synaptique par analogie avec le système nerveux, mais en réalité c'est juste une interface entre la CENK et sa cible. Sinon, les CENK représentent environ 10 à 15% des lymphocytes. Donc, c'est une population qui est minoritaire par rapport aux lymphocytes T en particulier. Mais ces CENK sont présentes partout dans l'organisme. Elles sont présentes dans les organes lymphoïdes, qui sont donc ces usines à faire de la réponse immunitaire adaptative. C'est là où les T vont rencontrer l'antigène, c'est là où les lymphocytes B vont commencer à produire des anticorps. Donc, c'est les ganglions, en fait. Mais c'est aussi les plaques de Peyer dans l'intestin, c'est aussi les amygdales, c'est aussi ce qu'on appelle les végétations dans le nez, etc., etc. Donc tous ces organes lymphoïdes ont des cellules NK, et ont encore plus de cellules NK quand ils sont dans des situations inflammatoires. Donc les cellules NK migrent dans l'organisme, comme n'importe quelle autre cellule, et peuvent aller préférentiellement à tel ou tel endroit de l'organisme pour contribuer à l'inflammation, à l'organisation de la réponse immunitaire. Ce sont des acteurs de cette réponse immunitaire innée, en ayant cette activité cytotoxique directement contre les agresseurs, et puis aussi en sécrétant des chimiokines, des cytokines, une activité d'organisation de la réponse immunitaire adaptative. Donc ils ont aussi un effet sur les T et sur les B. Par ailleurs, ces cellules NK, on les retrouve chez tous les mammifères, et en plus avec certains marqueurs spécifiques qui sont conservés à travers tous les mammifères. La cellule naturelle killer, c'est un lymphocyte qui en fait exprime toute une série de récepteurs de surface. Et parmi ces récepteurs, il en existe de deux types. Des récepteurs dits activateurs, qui en fait, lorsqu'ils sont engagés par un ligand présent dans l'environnement, vont induire l'activation de la cellule, donc soit induction de la cytotoxicité, la capacité de ces cellules à tuer d'autres cellules, ou la production de cytokines, donc ce sont des facteurs solubles qui sont produits et qui sont impliqués dans l'activation d'autres cellules du système immunitaire. Donc il y a ces récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs qui, eux, en fait, lorsqu'ils sont engagés, contrôlent la réponse des cellules naturelles killer. Donc, de manière très schématique, les récepteurs inhibiteurs reconnaissent des molécules exprimées par le soi, le tissu sain, ce qui en fait permet d'empêcher la réactivité des cellules, de ces cellules tueuses potentiellement très dangereuses, contre le tissu sain. Au contraire, les récepteurs activateurs, eux, vont reconnaître plutôt des molécules qui ne sont pas ou peu exprimées dans un environnement normal, mais qui sont up-régulées, donc qui sont exprimées dans un contexte de cellules malades. Et donc, par exemple, des cellules tumorales ou des cellules infectées par des virus. Donc, ces cellules NK, lorsqu'elles sont activées, elles vont pouvoir tuer la cellule cible. Elles ont en fait des granules dans leur cytoplasme qui contiennent des produits toxiques. Lorsque la cellule dégranule, ces produits sont capables d'aller tuer spécifiquement la cellule qui est en contact avec la cellule NK. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces cellules natural killer, elles sont capables de s'éduquer à ce qui se passe dans leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, enfin, qui a été découvert dans les dernières années. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'au départ on pensait, donc, qu'elles avaient cette capacité à tuer de manière naturelle, en fait, on se rend compte que, finalement, en fonction de ce qui se passe dans l'hôte, donc dans l'organisme qui porte ces cellules, la réactivité des cellules NK peut être très différente. Et en particulier, donc, elles ont besoin de connaître le soi avant de connaître ce qui n'est plus le soi. Et donc, elles subissent un processus d'éducation au soi. Et donc, justement, notre laboratoire a contribué à montrer que certains récepteurs inhibiteurs sont impliqués dans ce mécanisme d'éducation. Voilà, donc ce qui fait aussi la complexité de ce système de récepteurs activateurs et inhibiteurs, qui sont à la fois impliqués dans la phase effectrice de reconnaissance de cibles anormales, mais qui sont aussi impliqués dans la maturation et dans la façon dont ces cellules acquièrent leurs compétences. Donc c'est un petit peu ce paradoxe qu'on étudie en ce moment. L'étude des cellules NK, encore une fois, est peut-être intéressante par elle-même pour ceux qui s'intéressent aux cellules NK, du point de vue fondamental ou du point de vue des applications thérapeutiques. Mais plus que ça, l'étude des cellules NK permet de proposer de nouveaux schémas d'organisation générale de la réponse immunitaire. Et ça de plusieurs manières différentes. Premièrement, par le concept de récepteur inhibiteur. C'est-à-dire qu'il y a des récepteurs qui sont exprimés à la surface des cellules et qui permettent de dire non à la cellule, une espèce de stop. Ça, avant la découverte des récepteurs inhibiteurs sur les cellules NK, c'était pas aussi évident que ça l'est à l'heure actuelle. Deuxièmement, des récepteurs activateurs qui reconnaissent le stress. Hein, mais quelle que soit la molécule ou quel que soit l'inducteur du stress. Une cellule a été infectée par un virus, ou par un parasite, ou pour une bactérie intrastoplasmique, ou a subi une transformation tumorale, ou a reçu un choc physique, ou alors une stimulation chimique. Et ben, c'est le résultat de ça qui est reconnu par la CENK. C'est pas le bout du virus, le bout de la bactérie, ou le bout du parasite comme les cellules T. C'est le résultat. Comme si les CENK étaient capables de distinguer entre quelqu'un qui a un bouton de fièvre et quelqu'un qui l'a pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des récepteurs qui reconnaissent le bouton de fièvre. Et en fait, on s'en fout de savoir quel est l'inducteur du bouton de fièvre. Le principal, c'est qu'il y ait le bouton de fièvre. Ce qui prouve que la cellule en face, elle est plus très normale. Et que donc, peut-être, il va s'agir de se poser la question de l'éliminer ou pas. Hein, pour être très, très imagé. Donc, récepteur inhibiteur et récepteur activateur. Et comme a dit Sophie, aussi l'étude des CENK est très intéressante pour se poser la question du rôle de l'éducation des cellules du système immunitaire de manière générale. Les CENK s'adaptent à leur environnement. Ça paraît rien comme ça. Mais en réalité, c'est super important. Parce que l'immunologie n'est pas simplement une science expérimentale, c'est aussi une science théorique. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fin de compte, il y a eu de grands penseurs en immunologie depuis le départ. En particulier, MacFarlane Burnet, prix Nobel dans les années 50, parce qu'il propose deux théories, pas qu'une, deux. Premièrement, que l'organisation du système immunitaire est basée sur la différence entre le soi et le non-soi, ce qui est intuitif pour tout le monde, ce qui s'est révélé comme être faux, mais qui était très important au départ. Et deuxièmement, par la sélection clonale, c'est-à-dire que le système immunitaire s'organise autour de la prolifération de clones, de lymphocytes T, de lymphocytes B. Premier cadre théorique très important pour toute une génération d'immunologistes derrière. Deuxième cadre théorique, un peu plus récemment, pas quand même, prix Nobel, Niels Jierny, qui dit, il y a des réseaux idiotypiques, et en fin de compte, tout contrôle tout, un petit peu compliqué, prix Nobel quand même, bon, ça a donné à penser. Puis ensuite, plus récemment, la théorie du danger, comme quoi, qu'est-ce qui induit une réponse immunitaire, ce qui est dangereux. Et comment on définit ce qui est dangereux, par le fait que ça induit une réponse immunitaire. Donc c'est intéressant, mais c'est pas un cadre théorique, parce que c'est pas falsifiable. Hein. On peut juste faire aucune expérience pour savoir si c'est vrai ou pas vrai, ça sera tout le temps vrai. Hein. C'est totalement une tautologie. Et donc, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'étude des CENK, mais pas que, permet de proposer un nouveau cadre théorique dont l'ambition est une espèce de grande théorie du tout de l'immunologie. Alors, c'est très très risqué, hein, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner quand on se lance dans ces aventures-là, mais quand même, et cette théorie, proposée comme étant la théorie de la discontinuité, ce qu'elle dit simplement, c'est que le système immunitaire, il reconnaît la différence par rapport à un état référentiel. C'est tout bête, hein, mais on comprend comment ça peut reconnaître le soi et le non-soi. Le soi est par définition quelque chose qui sert à établir le référentiel de la cellule, quelle que soit la cellule. Hein. Pas simplement les T, pas simplement les B, mais aussi les neutrophiles, les cellules NK, en l'occurrence, les cellules dendritiques. Et donc, le système immunitaire s'adapte au soi, à cet environnement qu'on pourrait considérer comme étant le soi. Quand cet environnement est modifié, évidemment par l'apport de non-soi, mais qu'est-ce que ça veut dire le non-soi ? Par exemple un virus par rapport à une bactérie, là, effectivement c'est du non-soi, mais alors, quelquefois une cellule tumorale, c'est évidemment du soi, mais ça change le référentiel, parce qu'il y a certains gènes qui n'étaient pas exprimés, qui maintenant sont exprimés. Et le système immunitaire, dans un premier temps, va monter une réponse contre ça. Mais au bout d'un certain temps, il va s'adapter à ça. Et c'est le gros problème... l'éventuel gros problème des pathologies tumorales, de toutes les pathologies chroniques. C'est-à-dire que les pathologies chroniques qui se traduiraient par une exposition permanente de l'antigène, quel que soit l'antigène, c'est vrai pour les infections virales chroniques, c'est vrai pour les affections tumorales, eh bien en fait, on peut imaginer que le système immunitaire a d'autant plus de mal à se débarrasser de ça, qu'en fin de compte, il est constamment en train de s'adapter à ça. Il le considère comme étant son référentiel, donc son nouveau soi, en quelque sorte, vous voyez ? Et c'est pour ça que cette théorie, qui est proposée comme s'appelant la théorie de la discontinuité, propose que tout ce que le système immunitaire fait, en fait, c'est de voir la différence par rapport à l'existant. Effectivement, quand c'est du non-soi, il le voit, mais il ne le voit pas parce que c'est du non-soi, parce qu'il n'a pas cette capacité assez magique de savoir que ça n'appartient pas à l'organisme dans lequel il est, le système immunitaire. C'est pas ça. C'est parce qu'il n'était juste pas avant. Hein. Et de la même manière pour le danger, c'est pas parce qu'il est dangereux. Comment on peut définir le danger de manière moléculaire ? C'est juste impossible. Par contre, de dire qu'avec une molécule, qu'il y a maintenant une molécule qui n'était pas là avant, ça c'est totalement... facile à comprendre, et puis c'est falsifiable. Peut-être cette théorie est fausse, mais en tout cas, on pourra la tester expérimentalement. la théorie ne dit pas que c'est spécifique au CUNK. Elle se sert de l'exemple des CUNK pour montrer que ça peut exister, mais elle prend des exemples aussi à partir des macrophages, hein, qui montrent aussi que les macrophages s'éduquent par rapport à leur environnement qui s'est installé de manière chronique. On s'intéresse à l'éducation des CUNK. C'est important pour nous de savoir comment les CUNK font pour s'adapter à leur environnement. En particulier, quand on veut essayer de les manipuler en clinique. Hein, si on veut essayer de booster leur activité antitumorale, sachant que par définition, les cancers sont des maladies chroniques, il faut bien savoir si à un moment, on peut avoir une chance ou pas. Parce que si elles ne font que s'adapter à la cellule tumorale, il va falloir à ce moment-là prendre ça en compte comme étant un paramètre juste très important. Et par ailleurs, oui, on s'y intéresse de manière aussi théorique. Et en particulier à travers des collaborations assez surprenantes en fait, qu'on peut avoir avec des physiciens d'un côté qui proposent des modèles mathématiques qui rendent compte de ce qu'on propose comme cadre théorique, et puis des philosophes qui s'intéressent à l'immunologie comme objet de leur recherche en philosophie. Alors, quels sont les mécanismes moléculaires de cette mémorisation de ce qui est proposé comme étant le référentiel nouveau ? Eh bien, tous les mécanismes ne sont pas connus, mais il y a des pistes. Premièrement, les cellules peuvent détecter leur environnement, okay, on sait, avec des récepteurs de surface, et on sait très bien, et ça c'est un mécanisme qui est conservé dans toute l'évolution du vivant, c'est que par exemple les récepteurs diactivateurs, hein, ceux qui sont dont l'engagement provoque une activation cellulaire, eh bien en fait ils se désensibilisent au cours du temps. Il y a plein de mécanismes moléculaires de désensibilisation. Premièrement, quand le récepteur est engagé, au bout d'un certain temps, il s'internalise. Et donc, simplement, la cellule qui pouvait répondre aux stimuli du départ, elle peut juste plus. Et c'est pas parce qu'elle a changé elle-même. Enfin, si, elle a changé parce qu'elle a plus le récepteur. Ou alors, c'est parce que le récepteur est toujours là, mais il est désensibilisé. Parce que, avant, il induisait une activation cellulaire. Et maintenant, au bout d'un certain temps d'activation, et ça, on le sait, on l'observe expérimentalement, il y a des mécanismes de feedback négatif qui sont très très importants en biologie et dans le vivant de manière générale et qui font en sorte de désensibiliser la voie de transduction qui était initialement activée par le récepteur. J'en passe et des meilleurs, et ça peut aussi finir par des marques épigénétiques, c'est-à-dire que une cellule reçoit une stimulation, en fait ça implique ça induit une réponse immédiate, mais ça aussi modifie l'organisation de la chromatine de manière pas si indélébile que ça, en tout cas pas indélébile au point de se noyer dans la division de cette cellule-là. C'est la définition des marques épigénétiques. C'est-à-dire que la cellule qui a vu le loup, hein, et c'est vrai pour les CUNK, et que ça induit une division de cette cellule NK, la cellule fille de la cellule fille, qui n'a pas du tout vu le stimulus du départ, elle reste avec une empreinte épigénétique qui est comparable à celle qui a reçu le premier stimuli, alors qu'elle ne l'a pas vu. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer qu'il y a une mémorisation à long terme sans pour autant qu'il y ait une durée de vie à long terme. On peut avoir une mémorisation d'un phénomène biologique en étant extrêmement éphémère. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses qui sont démontrées, et il y a des choses qui sont théoriques. Et en particulier pour les CUNK, s'il y a véritablement des empreintes épigénétiques qui participent à cette mémorisation. Mais on sait malgré tout que quand une CUNK est stimulée par des cytokines in vitro, par exemple, quand on regarde la descendance de cette CUNK, donc c'est plus la même cellule au départ, hein, c'est la descendance, et bien elle garde les mêmes propriétés d'activation que la cellule qui a vraiment eu le stimuli. Donc vous voyez, il y a plein de mécanismes moléculaires qui peuvent rendre compte de cette mémorisation. Et on peut évidemment imaginer qu'en fonction du type cellulaire, cette capacité de mémorisation est plus ou moins longue. Parce qu'évidemment, la durée de vie de la cellule elle-même est un des paramètres. C'est pas que, mais c'est un des paramètres. Ce qu'on a observé finalement, c'est qu'en fonction des signaux que reçoivent les cellules NK au moment de ce mécanisme d'éducation, en particulier s'ils reçoivent des signaux par leur récepteur inhibiteur ou pas, donc dans l'organisme en absence de pathologie, hein, il a été montré que ces signaux envoyés au récepteur inhibiteur sont requis pour que la cellule NK soit réactive, qu'elle ait une réactivité optimale en fait. Et on s'est intéressé à essayer de comprendre qu'est-ce qui était associé au niveau de la cellule elle-même à cette réactivité augmentée dans ces conditions d'éducation. Et donc pour comprendre ça, on a isolé des cellules issues d'une souris normale, donc qui reçoit ces signaux par leur récepteur inhibiteur, et on les a comparées à des cellules NK issues d'une souris dans lequel les cellules natural killer ne reçoivent pas ces signaux par les récepteurs inhibiteurs. C'est une mutation génétique qui fait qu'ils n'ont pas ces signaux. Et donc, lorsqu'on compare d'un point de vue fonctionnel ces deux types de cellules natural killer, les unes sont totalement réactives et sont capables de tuer par exemple des cellules tumorales, et les autres ne le sont pas. Alors on a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que les unes sont réactives et les autres ne le sont pas. Alors on a regardé au niveau transcriptomique, on a pris donc tous les RNA produits par ces deux types de cellules, on a essayé de voir ce qui était différent. Et finalement, on a trouvé très très peu de différences. Et donc, on était assez étonnés de ce résultat, parce que fonctionnellement, elles sont très différentes. Donc, on s'est dit, si ce n'est pas régulé au niveau transcriptomique, c'est peut-être régulé au niveau de la membrane cellulaire. Et effectivement, on a pu montrer que ces cellules natural killer expriment toute une série de récepteurs activateurs qui leur permet de s'activer lorsqu'elles rencontrent une cellule tumorale, par exemple. On a regardé à la membrane, est-ce qu'il y avait une différence d'expression des récepteurs activateurs? Dans un cas, il y en a plus que dans l'autre. Et la réponse a été non, il n'y avait pas de différence d'expression. Par contre, lorsqu'on stimule ces récepteurs activateurs qui sont présents sur les deux types de cellules, lorsqu'on les stimule par des anticorps qui vont agréger ces récepteurs et donc induire une activation, eh bien là, la réponse est très différente dans les deux cas. Donc les récepteurs sont présents de la même manière en termes d'intensité d'expression, mais lorsqu'on les stimule et qu'on regarde très tôt la réponse qui est effectuée après cette stimulation, on fait ça par mesure de signaux calciques, eh bien il y avait une très grosse différence. On s'est dit, donc les différences entre ces deux types de cellules se trouvent probablement au niveau de la membrane. Et donc, on a lancé une collaboration avec l'équipe de Didier Marguet, qui se trouve aussi au CIML, et qui s'intéresse à la diffusion et à l'organisation de la membrane cellulaire et des récepteurs à la surface cellulaire. Et donc, en particulier, ce qu'ils utilisent, c'est une technique de spectroscopique par corrélation de fluorescence, qui en fait permet de mesurer la diffusion de molécules uniques à la membrane de la cellule. Et ça donne une idée en fait de l'organisation de ces molécules en temps réel dans la membrane cellulaire. Et donc on a observé donc les cellules NK issues de souris efficientes, donc qui ne sont non fonctionnelles, et les cellules NK qui sont fonctionnelles. Et on a regardé des récepteurs activateurs, comment ces récepteurs diffusaient à la membrane. Et en fait, on s'est rendu compte que la diffusion de ces récepteurs était très différente dans les deux cas. Donc finalement, on pense que ces récepteurs, lorsqu'ils sont présents à la surface des NK, eh bien, selon les cas, ils peuvent être probablement associés à des structures membranaires différentes qui vont être en fait propices ou pas à la transduction d'un signal et donc à la transmission d'un signal intracellulaire dans la cellule qui va ensuite se traduire par une fonction effectrice. Et donc, ça peut être une des explications à cette mémorisation. C'est-à-dire, finalement, un récepteur, en fonction de la façon dont il est agencé dans la membrane cellulaire, peut être plus ou moins efficace et remplir des fonctions différentes, en fait. C'est la question qu'on essaye de continuer à comprendre. On ne sait pas. Il y a une hypothèse. Quand la cellule, au départ, n'a pas ses récepteurs inhibiteurs, en réalité, elle est donc activée par les cellules qu'elle rencontre. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a d'autres exemples dans lesquels les récepteurs activiteurs, suite à leur engagement, ils vont justement dans ces zones qu'a décrit Sophie, qui sont des zones associées au cytosquelette d'actine. Et donc, on peut imaginer qu'à l'inverse, quand une cellule NK rencontre une autre cellule qui lui donne à la fois de l'activation et l'inhibition, eh bien, la force de l'activation est moins grande, donc, par intégration de ces signaux. Et donc, eh bien, la propension à aller dans ces espaces qui sont les espaces liés à l'actine, qui sont moins propices à la transduction du signal, eh bien, est moins forte. Et donc, en quelque sorte, ces molécules resteraient encore potentiellement activables, alors que les autres, elles l'ont été, en fait, activables. Mais plutôt trop, et maintenant, elles sont désensibilisées. Encore une fois, ça va bien avec le cadre théorique dont je vous ai parlé, hein, parce que je pense qu'effectivement, s'il y a bien quelque chose qui est conservé à travers l'évolution, ben, il n'y a pas que ça, mais il y a ce système de désensibilisation. Contrairement à l'économie, en biologie, tout ce qui monte doit descendre, et c'est normal. Et donc, ces boucles de régulation, elles sont essentielles à la vie, en fait.